comme un miraculé. J'suis comme un miraculé. P2OP. Regarde comment l'humain se ment toujours à soi-même, en faisant croire que pour lui l'aviron reste un problème. Sur la puissance de ce son, j'exprime une constatation, écriblé de balles en exigeant ses précisions. L'horizon se dessine sur la condition d'autrui, bouffé par la racine en ne visant que le mépris. Le catalogue de la vie n'a même plus d'index, pointé sur le futur et tout cela sans complexe. La liberté n'est plus, on ne vit que d'esclavage, et parce que l'attitude se transforme au fil de l'âge. Malade est le monde qui ne croit qu'il est tout seul, en piétinant dans l'autre parce que la place est un linceul. Tu parles à qui toi, l'espèce d'ignorant qui croit que tu sais tout, tout cela en oubliant que tu n'es que la création au fond de l'éternel. Chaque jour les précisions te crient et te le rappellent. Donne de toi-même au lieu de donner des leçons, parce que la vie va t'apprendre toutes ces contrefaçons à la façon d'un punch en pleine gueule. Et voilà, tu ne mérites que ça et c'est ce qu'on te dira. Tu crois entendre toutes les paroles des gens, pourtant ce qu'ils en pensent en fera tes tourments, parce que t'es seul avant tout sans jamais signer ce que l'on peut te faire, et tout ça comme un assigné. J'ai oublié de préciser, on revient à force, malgré que l'on ne veut juste te péter le torse sans vraiment gratter le derrière de l'écorce. Comme une bombe on te fera péter par son amorce. Tu peux être le plus grand révolté du monde, la solitude te montrera qu'elle est profonde. C'est comme ça sur la mélodie et toi tu me comprends, à force d'écouter tout ce qui reste évident. L'immaculé ne reste plus encore la conception, sur mes écrits j'en ressens et toute son assomption. À qui devrais-je peut-être remercier? Personne, car c'est ton avenir qu'on veut scier. Souvent près de toi tu ne vois pas celui qui se dit être ton ami, et celui qui induit la confiance pour enfin mieux te couper en deux et saignant comme un bateau coulé. La bataille de l'info atteindra ton subconscient juste pour te sauver de ce bon escient. Attends, je regarde si l'on ne m'écoute pas te parler, afin que les jaloux puissent encore me rafaler. Personnalité qui m'écœure au rayon de la banalité, la vie a dit fais ce qu'il te plaît en réalité. Tu n'es libre de rien dans un capital conditionné, autant de rimes que je garde encore additionnées. P2OP, comme un miraculé. Regarde comment l'humain se ment toujours à soi-même, en faisant croire que pour lui la vie en reste un problème. Sur la puissance de ce son, j'exprime une constatation, écriblé de balles en exigeant ses précisions. L'horizon se dessine sur la condition d'autrui, bouffé par la racine en ne visant que le mépris. Le catalogue de la vie n'a même plus d'index, pointé sur le futur et tout cela sans complexe. La liberté n'est plus, on ne vit que d'esclavage, et parce que l'attitude se transforme au fil de l'âge. Malade est le monde qui ne croit qu'il est tout seul, en piétinant l'autre parce que la place est un linceul. Tu parles à qui toi, l'espèce d'ignorant qui croit que tu sais tout, tout cela en oubliant que tu n'es que la création au fond de l'éternel. Chaque jour les précisions te crient et te le rappellent. N'oublie pas ça mon frère. Comme un miraculé P2OP.